Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to your knees. You know I love you so. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. And I beg you all night long. Baby, please don't go. I believe in the man gone. I believe a man done gone and left the county home. He got them shackles on. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back. You all need get your cold ice cream. Or I'll be your dog. Before I be your dog, I get you way down here, I make you walk the law. Come in there, sonny boy. Come in there, sonny boy. You got me way down here. You got me way down here. You got me way down here. By rolling fork, you treat me like a dog. Baby, please don't go. Don't call my name. Don't call my name. Don't call my name, you got me way down here when the ball and chain. Look here. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back. You all need. C'était Baby Please Don't Go par Big Joe Williams en 1941, version guitare, chant et harmonica. Il avait enregistré une version en 1935 avec violon. Mais c'est bien la version de 1941 qui a inspiré beaucoup de groupes et artistes depuis 50 ans. Big Joe Williams est donc un chanteur de blues américain. Il est né en octobre 1903 et est décédé en décembre 1982. Il reste célèbre par cette chanson, bien sûr, mais aussi par son jeu de guitare, car il avait rajouté trois cordes à sa guitare, c'est-à-dire qu'il jouait sur un instrument à neuf cordes. Baby Please Don't Go est une des chansons les plus reprises dans le monde. Et c'est la version de Them, un groupe irlandais, en 1964, qui met le feu aux poudres dans toute l'Europe. Mais vous l'écouterez dans une autre émission. Pour l'heure, nous commençons ce Blues Covers avec les reprises de groupes européens et québécois. On commence avec The Duo, un groupe français, en 1998. So baby, please don't go. Baby, please don't go. Turn the lamp down low. Turn the lamp down low. love you so, baby, please don't go, baby, please don't go. C'était The Duo en 1998, un enregistrement public. Ce duo, justement, a accompagné pendant de nombreuses années Patrick Verbeek. On reste en France avec Cisco Herzhaft en 2007. Oh baby, please don't go. Oh baby, please don't go back to New Orleans, because I love you so. Oh baby, please don't go. Before I be your man, before I be your man, before I be your man, you got to underneath just to my command. Oh baby, please don't go. Ah, don't go, baby. All right, all right. Before I be your dove, before I be your dove, before I be your dove, I make you all go up. Oh baby, please don't go. Don't go, baby. Oh Bernard, please don't go. Oh, Bernard, please don't go. Bernard, please don't go. You know we love you so. Bernard, please don't go. Ah. C'était Cisco Herzhaft en 2007 sur son album Cisco's Cooking. Alors on saute l'Atlantique, on va au Québec avec William Street Blues Band en 2003, version électrique avec groupe complet hein, de Baby Please Don't Go. Ce sont des disques que j'avais ramenés de mes périples canadiens à l'époque où le Festi-Blues international de Montréal existait encore. William Street Blues Band. Et cet extrait de leur album 25e anniversaire, 25th Anniversary. Please don't go. down here. You brought me way down here about the running form. Treat me like a dog. C'était William Street Blues Band en 2003. On revient en Europe avec Marc Lelang, un Belge, en 2006. Extrait de l'album Second Hand Roots, Marc Lelang. Thank you. Version de Marc Lelangue, très envoûtante. Alors j'aurais pu vous proposer les versions américaines ou anglaises, elles sont pléthores, il y en a des centaines, des milliers peut-être. La journée n'aurait pas suffi. Hein, on peut citer Carré and Le Rebel, Amboy Dukes, Bob Dylan, Gary Glitter, ouais, oui, Gary Glitter, Georgie Femme, Guitar Gabriel, John Lee Hooker, John Lord, ben oui, de Deep Purple, Lightning Hopkins, Muddy Waters, Willie Dixon et Memphis Slim, etc., Webb Wilder, etc., etc., etc. Alors, on va finir cette première partie de Baby Please Don't Go Blues Covers avec un Danois, Thorbjørn Reisegaard, en 2010. Sur l'album Track Record. Bye bye et à la prochaine. Attention, ça dépote. Oh, baby, please don't go. Don't go, baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, you get my way out here and let you walk alone. You know your man. Don't go. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I beg you all night long. Baby, please don't go. You got me way down here. You got me way down here. You got me way down here. Down to the rolling floor. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.